ge byo men e na le ge saka din ne ba ne byo ma le so yin ke yoga 3 myo shi de a chang ye se 3 myo shi de a chang ye byo men lo. Alors aujourd'hui, Sayado va parler des maladies chez les êtres humains, 3 maladies, et aussi des remèdes qui ont été prescrits par le Bouddha pour guérir ces maladies. Le Bouddha a déclaré que pour réaliser le meilleur du potentiel de l'être humain, il fallait suivre son enseignement. Et donc il a prescrit un enseignement, et le fait qu'on puisse tous se rencontrer ici ce soir est une grande bénédiction. Afin donc de parvenir à réaliser le meilleur de l'être humain, le meilleur de son potentiel, il y a 3 entraînements. Le premier entraînement, c'est la moralité, le second entraînement, c'est la concentration, et le troisième entraînement, c'est la sagesse. Il y a différentes variétés d'êtres humains. Certains d'entre eux sont à peine des êtres humains. D'autres sont des êtres humains de moindre qualité, en termes par exemple de gentillesse, etc. Et enfin qu'il y a les êtres humains parfaits. Il y a 3 maladies, ou 3 feux qui brûlent les êtres humains en permanence. Ces 3 types de feux, ces 3 types de maladies qui se produisent à tout moment dans notre corps, eh bien, le premier de ces 3 feux, de ces 3 maladies, c'est les maladies grossières. Ces feux, leur caractéristique, c'est que lorsqu'on en est la victime, lorsqu'on en souffre, les personnes qui entrent en contact avec nous vont aussi être contaminées, et vont aussi souffrir mentalement et physiquement. Donc ce premier feu, le feu grossier, la maladie la plus grossière, elle résulte dans des actions physiques et verbales qui se transforment en souffrance. Non seulement en souffrance pour la personne qui profère ses paroles ou qui accomplit ses actes, mais aussi pour la personne qui l'accompagne, qui est à ses côtés à ce moment-là. Et donc si cette première personne avait été capable de contrôler son comportement physique et verbal, les 2 personnes auraient souffert moins, ou peut-être même pas du tout. Alors ce que vous venez de faire en prenant les 5 préceptes, c'est d'éviter, de prévenir la première de cette maladie, maladie grossière, ou les feux grossiers. Comme vous avez pris le précepte de ne pas tuer, de ne pas voler, et de ne pas avoir de conduite sexuelle illégitime, vous contrôlez votre comportement physique. Et le 4e précepte, celui de ne pas mentir, avec ce précepte, vous contrôlez votre comportement verbal. Donc, en réalité, en prenant ces préceptes, vous entrez dans le contrôle physique et verbal. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque nous prenons les préceptes, nous contrôlons nos actions physiques et verbales, et nous prévenons les maladies du premier type, ce qui permet non seulement d'empêcher ces maladies du premier type de prendre naissance, mais aussi de continuer à brûler en nous. Aussi, à côté de ça, en prenant ces préceptes, on élève nos standards en tant qu'être humain. On devient une personne cultivée, on devient un être humain d'un type plus élevé. En prenant les 5 préceptes, on prend le premier des médicaments, celui qui prévient le premier type de maladie, les maladies grossières. Et c'est ce qu'on appelle Sila en pali, la moralité. À présent, on en arrive à la deuxième maladie, au deuxième feu, qu'on appelle le feu médian. Bien qu'on ait pris la première pilule, le premier remède, celui de la moralité, ce premier remède n'est pas suffisant pour arrêter les feux qui brûlent l'esprit. Donc pour prévenir ce second feu, cette seconde maladie, ce feu médian, vous devez pratiquer samadhi, l'entraînement de la concentration. Et c'est ce que vous faites quand vous participez à des retraites vipassana. ou que vous pratiquez la méditation de l'attention. Donc si vous ne notez pas les pensées qui surgissent à l'intérieur de vous, dans votre esprit, si vous ne notez pas l'objet qui apparaît dans l'esprit, pour reprendre le vocabulaire de la méditation, de l'attention, vous ne saurez pas ce qui se passe et vous serez peut-être jaloux ou bien alors vous planifierez, comploterez un mauvais coup. Toutes ces pensées sont des feux qui brûlent. Ce sont les maladies dont le Bouddha a parlé. Même si on a pris Sila, même si on observe la moralité, tant qu'on ne prend pas le deuxième remède, tant qu'on ne pratique pas le deuxième entraînement, on ne pourra pas se débarrasser de ces feux-là, de cette maladie-là. Donc juste pour récapituler, pour être sûr que vous comprenez bien, si vous voulez vous débarrasser de la première maladie, vous devez contrôler vos actions physiques et verbales. C'est donc la moralité, c'est le premier remède, le premier médicament. Si vous voulez arrêter, prévenir ou stopper les feux qui brûlent à l'intérieur de votre esprit, là vous devez prendre le second médicament, le second remède. On en arrive à la troisième maladie, qu'on appelle la maladie ou le feu raffiné, le feu latent. Et on ne peut pas le voir dans l'aspect physique, on ne peut pas le voir dans l'aspect verbal, et on ne peut pas le voir non plus dans l'esprit, parce qu'il est latent, il est caché, et donc il attend de surgir. Et on ne peut pas le voir. Et vous êtes né avec cette maladie-là, avec ce feu-là. Le premier feu, la première maladie, le second feu, la deuxième maladie sont dus tous les deux à la troisième maladie qu'on appelle la maladie raffinée, la maladie subtile. Et on peut donner ça, on peut rendre ça avec une image. Imaginez donc une allumette. L'allumette, c'est cette troisième maladie raffinée, parce que dans son état latent, il n'y a pas encore de feu, il y a seulement un potentiel pour le feu. Si maintenant on gratte cette allumette, le feu apparaît, c'est l'équivalent de la deuxième maladie. Et si on jette cette allumette sur un feu de joie, ça va faire un énorme feu, et ça c'est l'équivalent donc de la première maladie. Cette troisième maladie, ce troisième feu est très raffiné, il est latent, et il est invisible à nos yeux, on peut très difficilement le voir, et donc ce qu'on peut difficilement voir, on peut aussi difficilement contrôler, on peut difficilement arrêter ce feu. Ce troisième feu, c'est le plus difficile à éradiquer. Alors pour donner un exemple plus moderne, on pourrait comparer ce troisième type de maladie aux cellules cancéreuses, qui sont déjà dans notre corps, mais de façon invisible. On ne peut pas les détecter, elles sont difficiles à voir et elles sont difficiles à guérir. Dans un certain sens, on ne peut pas les éviter. Donc, on dit que la troisième maladie est difficile à guérir, et qu'elle est difficile à détecter, mais on ne dit pas que c'est impossible. Donc, si on prend le premier médicament, on prévient, on empêche les mauvaises conduites physiques et verbales. Si on prend le deuxième médicament, on empêche le comportement de l'esprit inapproprié. Et donc si on contrôle ces deux choses, on sera capable d'empêcher la troisième de survenir. Donc, même si donc cette troisième maladie est invisible, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter trop, parce que si vous prenez le premier et le deuxième médicament, c'est-à-dire la moralité et la concentration, ces deux médicaments vont empêcher la troisième maladie de survenir. Alors, est-ce que Sayado demande si vous voulez savoir ce que sont ces trois médicaments, ces trois remèdes? Donc certains peut-être ont effectivement déjà pris ce médicament, notamment s'ils sont venus ici auparavant. Mais d'autres n'ont pas encore pris ces médicaments. Donc Sayado va maintenant expliquer de quoi il s'agit, quels sont ces médicaments. À présent, on va méditer, on va expliquer comment méditer, comment pratiquer la méditation de l'attention. Ça va prendre environ 15 minutes. Donc prenez position. On recommande en général la position avec les jambes croisées, les jambes l'une devant l'autre, mais vous prenez n'importe quelle position dans laquelle vous vous sentez à l'aise et une position que vous pouvez garder si possible pendant 15 minutes. Donc d'abord la position, vous gardez le dos bien droit, aussi la nuque et la tête, le tout devrait être sur une même ligne. Les épaules peuvent être relâchées, les yeux fermés, et les mains peuvent se poser devant vous ou bien éventuellement sur les cuisses. Vous trouvez une posture confortable, facile, et vous portez votre attention sur le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Donc vous posez votre attention sur le ventre. Vous voyez que celui-ci bouge avec la respiration. Lorsque vous inspirez, il gonfle, il monte. Vous notez soulèvement, soulèvement. Lorsque vous expirez, il s'abaisse. Vous notez abaissement, abaissement. Essayez de maintenir votre attention sur la votre respiration aussi naturelle que possible. Ne forcez pas, n'essayez pas d'avoir une respiration longue ou courte. Pour les débutants, ça peut être difficile de ressentir ce mouvement de soulèvement et d'abaissement. Si c'est le cas, mettez votre main sur l'abdomen. Vous pouvez noter le mouvement qui va avec la respiration. Ne cherchez pas à forcer la respiration si vous ne parvenez pas à la ressentir. Ça va venir tout doucement. Placez simplement votre attention sur l'abdomen et plus tard vous ressentirez le mouvement. Donc cet exercice que vous faites alors que vous êtes assis calmement, c'est le premier exercice qui est décrit dans le Satipatthana Sutta. C'est la où on recommande donc d'observer le corps dans le corps. C'est la première des observations du corps. Tout en restant, en pratiquant la méditation assise, peut-être qu'après 5 ou 10 minutes, vous allez commencer à ressentir des sensations, par exemple des douleurs aux genoux, ou bien des chatouillements, ou bien un endormissement, des raideurs, etc. Notez ces sensations telles qu'elles se produisent. Si par exemple vous ressentez un chatouillement, notez chatouillement, chatouillement. Si c'est un endormissement, notez endormissement, endormissement. Si c'est de la raideur, notez raideur, raideur. C'est de cette façon qu'on prend note. Donc, essayez de noter la douleur. Si elle persiste, essayez de la noter autant que possible. Quant aux autres sensations, vous les notez aussi. Vous notez la sensation qui est prédominante. C'est comme ça qu'on observe les sensations, c'est cela, la contemplation des sensations, des ressentis, et c'est le deuxième Satipatthana. Ensuite, alors que vous êtes assis, des pensées vont apparaître. Toutes sortes de pensées, par exemple, vous penserez à rentrer à la maison, ou bien vous pourriez être en train de penser à ça juste à l'instant, ou bien vous pensez que vous allez retrouver des amis plus tard. Vous pouvez même penser que vous avez une conversation avec eux. Vous vivez déjà à l'avance une conversation avec eux. Et si ces pensées se produisent, vous les notez. Vous notez penser, penser, ou bien parler, parler, converser, converser. Si par exemple, vous imaginez que vous êtes en conversation et que cette conversation vous réjouit, vous notez se réjouir, se réjouir. Si par contre en imagination vous avez un conflit avec cette personne, une querelle, vous notez colère, colère, etc. Donc cette instruction, c'est la troisième instruction du Satipatthana, c'est la contemplation des consciences. Alors Sayado dit qu'on va parler maintenant de la quatrième partie du Satipatthana Sutta, donc du Sutta sur l'attention, sur la pratique de l'attention. Lorsque, pendant la méditation, les cinq sens interviennent, par exemple on entend des voix, on entend un bruissement, À ce moment-là, on note simplement entendre, entendre. Si on voit quelque chose en imagination, on note voir, voir. Si on goûte, par exemple, on se souvient de ce qu'on a mangé auparavant, on note goûter, goûter. Si on sent une odeur, on note sentir, sentir. Donc toutes ces choses, lorsqu'elles se produisent, on se contente de les noter et puis on retourne à l'objet primaire. L'objet primaire, c'est-à-dire le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Voilà, ça c'est la quatrième instruction du Satipatthana Sutta. On appelle ça la contemplation des dhammas ou des objets mentaux. Alors lorsqu'on parle de la prise de notes, il faut préciser qu'il n'est pas nécessaire de noter ce qui se passe à l'arrière-plan. Par exemple, si vous entendez le son d'un avion, il n'est pas nécessaire de le noter, vous pouvez choisir de l'ignorer. Notez uniquement ce qui est perçant, ce qui est fort, hein, les sons qui sont très forts, et vous notez simplement deux ou trois fois, et puis vous revenez à l'objet primaire. C'est la même chose pour les odeurs, ne notez que les odeurs invasives, enfin, les fortes odeurs qui se produisent pendant la méditation. Donc ne notez pas les odeurs habituelles, vous devez noter ce qui est prédominant. Donc on va pratiquer maintenant pendant 3 minutes ce qu'on vient de dire. Essayez de vous concentrer, essayez d'être attentif à tous ces éléments. Ne notez que les sensations prédominantes et revenez toujours à l'objet primaire. Donc quand certaines personnes prennent un médicament, parfois, ils lisent l'entièreté de la notice, tout ce qui est écrit sur le flacon, mais ils ne prennent jamais le médicament. Donc ça ne peut pas marcher comme ça. Donc il faut que vous preniez ce médicament et que vous le preniez régulièrement. Donc si vous disposez seulement de peu de temps, venez ici pour pratiquer. Si vous avez plus de temps, rendez-vous au centre de rivière à Dhammaramsi pour méditer une ou deux semaines. Et si vous voulez consacrer deux ou trois mois à la méditation, venez à Rangoon. Si vous prenez note correctement, si vous êtes très attentif, si vous êtes profondément concentré, une seule bonne prise de note qui dure une seconde, ça c'est bon, et si vous prolongez ça pendant une minute, vous aurez 60 fois, 60 instants d'attention. Si vous le prolongez pendant 5 minutes, vous aurez 300 prises de note, 300 moments où vous êtes attentif. Cela va empêcher les feux de brûler à l'intérieur de vous. Ça va empêcher les maladies de proliférer en vous. C'est de cette façon donc qu'on prend le médicament, c'est de cette façon que fonctionne le médicament. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous permettre à ces feux, à ces maladies de brûler à l'intérieur de vous, ou allez-vous plutôt chercher à les arrêter? Donc puissiez-vous stopper, arrêter ces feux, ces trois types de feux, puissiez-vous mettre un terme à ces trois types de maladies, puissiez-vous être en bonne santé, être heureux, être en paix, puissiez-vous être capable de pratiquer la méditation de l'attention pour guérir tous ces feux, toutes ces maladies. Ok, donc les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vais dire en français. Je voudrais demander, ça a pris du temps, le temps que j'ai eu cette appréhension pour guérir de la plus dangereuse tumeur au cerveau. Je voudrais savoir maintenant, quand je suis arrivée à la guérison totale, que les docteurs ont confirmé et que les saints ont confirmé. Les saints et les docteurs. Les saints? Les saints. J'étais aussi dans un endroit où il y a des saints qui descendent sur la terre. Les saints. Les saints. Les saints. Mais je voudrais avoir, parce que je me souviens, il y a 4 ans, que j'ai été justement 2 semaines en méditation avec Vénérable. Oui. Et je voudrais savoir maintenant, quand j'ai atteint la guérison, je suis tellement heureuse, mais en même temps, je ne sais pas comment continuer la vie. Comment savoir garder, c'est ce que j'ai atteint. Voilà, donc Sayadaw dit que c'est le meilleur médicament, c'est celui de la méditation. Donc il faut continuer à le prendre, à continuer à pratiquer. Et évidemment, tout dépend du temps qu'on peut consacrer à ça, à la méditation. Et il faut, pour bien faire, pratiquer tous les jours. Dès le moment où il y a un corps, il y aura des maladies. C'est inévitable. Même le Bouddha a dû subir la maladie au moment où la mort s'est approchée. Donc il faut y penser. Il faut penser à ça. Mais ça ne m'empêche pas qu'il faut continuer à pratiquer tous les jours. Et il ne faut jamais avoir peur de la maladie, parce que si on a un corps, automatiquement il y aura la maladie. Et donc c'est tout le monde est victime de maladie, absolument tout le monde. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Je voulais savoir s'il y a des bonnes méditations et des moins bonnes. Donc Sayadaw a dit il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation. La clé, c'est de bien noter et d'être attentif à ce qui se passe à ce moment-là. La seule question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que je note bien? Est-ce que je suis attentif tout le temps? Et si on pratique de cette façon-là, on ne dira jamais « j'ai eu une bonne méditation » ou « j'ai eu une mauvaise méditation ». C'est cette façon de noter, c'est une connexion avec l'attention, mais c'est pas très bien. Pour moi, c'est très évident. Vous pouvez préciser la question? Donc, Oui. Vous dites qu'il faut noter. Oui. Je comprends pas très bien cette façon de noter. Oui. J'ai l'impression que tout s'arrête. Oui, cette notion de noter est un peu creusée. Donc j'ai l'impression que je vis tous les jours, mais que c'est pas. Ça n'apporte pas très peu de rapprocher, ou c'est pas efficace, parce qu'on doit pas une difficulté. Excusez-moi, quand vous dites que tout s'arrête, ça veut dire que vous n'avez plus de pensée. Qu'est-ce qui s'arrête? Oui, c'est ça. Donc quand on a parlé de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, est-ce que vous êtes parvenu à noter ça, le soulèvement et l'abaissement? Oui, mais ça c'est à part. Ok. Donc, si vous dites qu'au début vous êtes parvenu à noter le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, donc ça veut dire que vous savez ce que c'est noter. D'accord? Oui. Simplement noter, hein, noter le soulèvement, l'abaissement, mais qu'après vous n'avez plus pu le faire, donc vous n'avez pas pu maintenir cet effort, parce que c'est un effort de rester sur l'abdomen. Oui, être dans l'instant présent, donc observer, ça veut dire que l'esprit s'est mis à vagabonder en fait. L'esprit n'a pas pu rester sur l'objet, vous avez perdu l'attention. L'attention à cet objet-là. Voilà, et Sayadaw demande est-ce que ça répond à votre question. Donc, selon lui, vous savez ce que c'est, la prise de notes, puisque vous l'avez fait au début, mais simplement, vous n'êtes pas parvenu à maintenir l'effort, l'esprit s'est mis à vagabonder. Et à s'endormir. D'abord, pour répondre à votre question, donc, il ne sera plus au Népal, il sera à Yangon à l'avenir, Voilà, mais sinon Sayadaw dit que l'endroit où vous vous rendez, c'est très important aussi, qu'il faut que ce soit un endroit digne de confiance. Évidemment, tout le monde va dire que son centre est le meilleur, mais donc il faut quand même faire attention à ça. Dans l'agitation de la journée, etc., oui. Après, quand je commence à méditer, oui. je me pose, je commence à noter. Et alors, à un moment donné, ça note. Et donc, j'ai l'impression que l'agitation revient par la notation. Et donc je note l'agitation, mais néanmoins c'est comme si ça s'en allait. Alors j'entends qu'il faut normalement annoter les principaux objets, mais il y a des douleurs qui prennent de la place, puis autre chose, et il parle de 60 par minute et de 300 par heure. Je suis très loin de ça. Et je trouve que néanmoins, chez moi, ça génère de l'agitation. Mmh. Donc je me dis que si on... Et je reviens à ma respiration. Donc le conseil clé, tant pour les méditants, les débutants, que pour les méditants avancés, c'est de noter la sensation prédominante. Même si on dit qu'il faut revenir à l'objet primaire, constamment, si il y a un autre objet qui prend le pas sur le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, que ce soit par exemple les pensées, si les pensées deviennent très nombreuses, ou si la douleur, par exemple, prend de plus en plus de place, il faut prendre ça comme objet primaire d'attention. Il faut aller vers la douleur et noter la douleur, par exemple. Ou alors, si par exemple, s'il y a beaucoup de pensées, que ça nous met en colère, il faut noter cette colère à ce moment-là, ou noter les pensées. Il faut noter ce qui est présent, ce qui est prédominant. Mais à partir du moment où il n'y a plus rien à noter, là, il faut revenir. Il faut revenir à l'objet primaire. Voilà, on répète encore une fois, le conseil clé, c'est de noter ce qui est prédominant. Ça, c'est vraiment le conseil clé. No pain, no gain, pas de ouais. Douleur, pas de... Non, c'est plutôt, il faut souffrir pour... Oui. Pour être beau. C'est une bonne question. Donc, le Vedana, les ressentis, hein, c'est ça la douleur. En réalité, la douleur vient parce qu'on a un corps. Et lorsqu'on médite, il y aura de la douleur. C'est un processus naturel du corps. Mais il ne faut pas penser que la douleur vient à cause de la méditation. C'est un principe de méditation qui a le plaisir de méditer, de sentir, d'être dans le moment présent. Donc, beaucoup de gens préfèrent les médicaments sucrés, enfin les médicaments doux. Mais il est possible que le médicament sucré ne guérisse pas les maladies. Par contre, la pilule amère peut guérir les maladies. Évidemment, elle n'est pas enrobée de sucre, mais elle est susceptible par contre de guérir la maladie. Donc la chose clé, c'est qu'il faut qu'on prenne le véritable médicament prescrit par le Bouddha. Comment ? On peut dire en conclusion que la souffrance aide à guérir. Que la souffrance aide à guérir. Donc certains d'entre vous peuvent penser qu'il y a moyen de guérir sans prendre de médicaments, mais malheureusement ça c'est pas la vraie vie. Sayado aussi aimerait trouver un tel médicament s'il le pouvait. S'il pouvait trouver un tel médicament. Ok, on va peut-être... la question peut-être c'est quoi alors J'ai compris que c'est les douleurs qui arrivent dans les moments de la méditation, de la position. Okay. Et qu'il peut prouver parce que si on est une heure dans une position, qu'il peut avoir... Tu vois les sapatons. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Toi tu voulais poser une question, Isabelle? J'avais une question, mais j'espère qu'elle en amène un peu le moins. Pas de problème. Oui. La troisième maladie, oui. J'ai l'impression que c'est celle où il a été le moins concret, parce qu'elle est peut-être la plus difficile à définir. Si ce n'est que les remèdes se retrouvent dans les remèdes des deux premières maladies, j'ai compris. Et donc j'essayais de représenter ce qu'il voulait dire, et je me demande si derrière la troisième maladie, ce dont il voudrait parler, c'est ce qu'on appelle l'inconscient. Voilà. Autrement dit, qu'est-ce qu'il met derrière la croix des malades? Oui. On n'est pas sur la même longueur d'onde, en fait, on ne parle pas de la même chose, la terminologie est différente parce que dans le bouddhisme, quand on dit inconscient, ça veut dire qu'il dort, qu'il n'est pas éveillé. Le contraire, c'est quelqu'un qui est très alerte, qui est très éveillé et qui sait ce qu'il est en train de faire. Voilà, ça c'est quelqu'un qui est conscient dans le bouddhisme. Sayadaw explique que le premier médicament et le second médicament sont pris. Et alors quand le second médicament, c'est-à-dire la concentration, devient vraiment bon, enfin quand la concentration est vraiment développée, elle se développe dans le troisième médicament. C'est-à-dire qu'en fait la sagesse commence à émerger, la connaissance commence à émerger. Si la concentration est vraiment bonne, elle se transforme en sagesse. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on est capable de détruire les maladies subtiles, les maladies raffinées, les feux subtils. De les éliminer complètement. Voilà, mais donc on ne peut obtenir ce troisième médicament que sur la base de la pratique des deux premiers, quoi. Il faut qu'il soit développé à un certain degré pour que ce troisième médicament entre en œuvre. Ça va, ça répond Bon. Ok. Non, il n'y a personne qui veut encore... J'ai une question plus personnelle, c'est par rapport à Pokhara et des endroits où il peut conseiller pour méditer. Très brièvement, il y a moyen de faire poser la question très brièvement. Ok. Yeah. Ok. Donc au Népal, il y a le centre de Lumbini où il y a un moine allemand où vivait Kananda, qui est là depuis 10 ans, c'est ça. Et donc sinon, à Rangoon, évidemment, il y a le centre. So a very short last question. She would like to know about Pokhara in Nepal, where would you advise to go and meditate? In Rangoon, Upanida has carried out a special retreat for international yogis. Many, many yogis came from all over the world. And this is the 20th time that this retreat is happening. It happens on the December and January. So that is also another place that he could recommend. Donc toujours à Rangoon, dans le centre de forêt de Panditarama, il y a une retraite spéciale d'hiver pour les étrangers qui a lieu depuis 20 ans. Donc Pandita a lancé, et donc elle a lieu en décembre-janvier, pendant 2 mois. Puis voilà, c'est le monastère de Suemangon. Est-ce qu'il y a encore une question par rapport à la méditation assise? Une dernière question, bon, ouais, mais il y a madame qui doit y aller, donc... Allez, c'est parti. Donc très brièvement en français, un autre conseil clé, c'est de noter l'instant présent. Donc lorsque vous essayez de rebobiner la pensée pour voir ce qui l'a causé, c'est pas la bonne pratique, c'est la mauvaise pratique. Donc le conseil qu'on donne, c'est de toujours rester dans, être conscient de l'instant présent. You want to go home? Okay. As you like. Say.